Alors bonjour et bienvenue dans Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Moi c'est Cécile et aujourd'hui je reçois Lise Timon et Aurélie Pierre pour parler sport et alimentation. Allez, c'est parti! Alors on commence avec Aurélie, joueuse au Villers Handball Club. C'est compliqué à dire. Handball. Handball, Villers Handball Club. Voilà, je savais que... Bonjour. Donc bonjour Aurélie. Du coup, bah, je te laisse te présenter, dis-nous tout. Combien de temps tu fais du hand? Alors, en effet, donc, je m'appelle Aurélie. Je suis handballeuse depuis... ça fait longtemps, depuis 24 ans déjà. J'ai commencé très tard. J'ai commencé qu'à 18 ans. J'ai fait plusieurs clubs. Bayon, j'ai fait Dombal et je suis à Villers Handball depuis 12 ans. Maintenant, et je joue actuellement en National 3. National 3. Voilà, en tant que pivot. En tant que pivot, d'accord. Parce que Aurélie n'est pas une joueuse ordinaire, puisqu'elle était capitaine de l'équipe de Villers Handball Club pendant... Oui, j'ai été capitaine en effet depuis que je suis arrivée, donc ça faisait 11 ans. Donc, 11 ans. Voilà, cette année j'ai laissé le flambeau à une amie à moi, et qui reprend un petit peu les choses, qu'il était temps de transmettre, voilà. Ou de donner, parce que j'arrive à un âge où à un moment donné il va falloir... pensais à arrêter. Donc, voilà, j'étais capitaine pendant 11 ans. D'accord. Et t'as décidé de passer la main, non? C'est ça. Mais tu continues de jouer, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, Villers Handball, donc club semi-pro National 3, c'est ça? Alors, on n'est pas pro du tout. On est amateur. OK. Du coup, on n'a pas de contrat. On était en contrat quand on était en National 2. Encore l'année dernière, on était en National 2 en entente avec Flavigny, Richard Ménil, du coup, et Villers. Et on avait quelques filles, en effet, qui avaient, un petit contrat pour permettre à certaines joueuses de rejoindre le club pour jouer à ce niveau-là. Quoi. D'accord. Sinon, la prochaine grosse échéance? C'est cette année, parce que du coup, on a finalisé l'entente l'année dernière, du coup. Donc cette année, on repart avec nos propres couleurs noires et jaunes. Et on est en National 3, donc on est descendu d'un cran. Et on est première actuellement. Et l'objectif, bien sûr, c'est la montée de nouveau en National 2. Donc voilà. National 2 l'année prochaine. Voilà, donc première, là, on venait en phase 2 du championnat. On a pas mal de matchs qui arrivent qui sont extrêmement importants. Et en effet, c'est de se classer le mieux possible pour jouer les playoffs et permettre, du coup, cette montée-là. Ah bah super, on se retrouve voilà. En National 2 l'année prochaine. J'espère bien. Alors, on poursuit avec Lise, athlète au NAM, donc Nancy Athlétisme Métropole, spécialiste du demi-fond. Donc, bonjour Lise. Bonjour. Voilà, même question. Tu peux peut-être commencer par nous rappeler ce que c'est le demi-fond, déjà? Alors, le demi-fond, c'est les courses qui vont, on va dire, du 800 mètres au 5000. 5000, à partir au-delà de 5000, ça commence à être du fond, à mon sens. Oui, plutôt rapide comme course. Oui, plutôt rapide quand même. Ouais, c'est quand même beaucoup plus rapide. C'est vraiment le 800, 1500 et 3000 en hiver, en salle, parce que ça n'existe pas à l'extérieur. C'est le 5000 à la place. Et donc, ça fait depuis 12 ans que je fais de l'athlétisme, depuis mes 14 ans. J'ai d'abord été au Cosvillers, dans un premier temps, pour mes années jeunes. Et ensuite, j'ai rejoint l'ASPTT Nancy, qui est devenue donc, Nancy Athlétisme Métropole. Et puis, je faisais dans un premier temps du 800 mètres. Donc, c'est quand même un peu plus du sprint. Mais bon, ça reste une épreuve considérée comme du demi-fond. Et maintenant, je fais beaucoup de 1500 mètres. Et peu à peu, je vais monter vers les longues distances. Mais pas tout de suite, parce qu'il faut encore profiter de sa vitesse que j'ai. Hein, parce que plus on est jeune, plus on a de la vitesse. Et plus on vieillit, plus il faut monter sur les, sur les distances plus longues. Donc, voilà. Voilà. Alors, pour le palmarès de Lise, je suis allée voir sur le site de la FFA, sauf qu'elle a une liste de titres qui fait 2 pages. On en aurait eu jusqu'au bout de la nuit. Donc, je lui ai demandé de choisir 3 titres qui lui tenaient à cœur, et ça nous donne championne de France relais 4x800 en 2018 et 2019, championne de Nouvelle-Zélande sur 3000 mètres en 2020, et vice-championne de France élite sur 3000 mètres en 2024 à Miramas. Donc, celui-là, il est tout récent. Ouais. On peut peut-être revenir 2 minutes sur... championne de Nouvelle-Zélande. Oui, je suis partie pour faire une année de césure au cours de mes études, donc entre ma licence et mon master, en Nouvelle-Zélande pour découvrir une autre nation, d'autres pays. Et j'ai continué l'athlétisme parce que ça reste un équilibre de vie. Et j'ai pratiqué l'athlétisme avec un coach néo-zélandais qui m'a permis de pouvoir courir lors des championnats de 3000 mètres. Parce que là-bas, ça existe, les championnats nationaux de 3000 mètres à l'extérieur. Et donc, j'ai pu concourir avec les néo-zélandaises et gagner les championnats de Nouvelle-Zélande sur 3000 mètres. C'est super. Ouais. Et ton prochain objectif, donc? Ça serait les championnats, l'objectif ultime de la saison estivale, ça serait les championnats de France sur 1500 mètres et faire une finale et finir dans le top 8. Oh, parfait. Voilà. Bah, on te le souhaite également. Merci. Alors, plongeons maintenant dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le sport et l'alimentation. Alors, Lise Aurélie, course à pied handball, deux salles de ambiance, si je peux me permettre. Complètement. Voilà, on imagine bien que les enjeux de votre alimentation ne vont pas être les mêmes. Donc, si je me mets en mode préjugé, on est d'accord, hein. J'exagère tout. On est là pour les casser. Voilà, je vais dire, Lise, course à pied, vitesse, légèreté, elle mange deux pommes par jour. Aurélie, hand, sport de contact, puissance, solidité, parce qu'il ne faut pas se faire éjecter par l'équipe adverse au premier contact non plus. Donc elle, la fin de l'entraînement, c'est le banquet d'Astérix. Il y a des sangliers, il y a de la cervoise, tout ce qu'on veut. Donc j'imagine que ce n'est pas aussi simple. Hein. D'où ma première question. Quelles sont les qualités réelles attendues dans votre discipline, notamment en termes de poids et de puissance? Commence par Lise peut-être. D'accord. Alors, en course à pied, notamment en demi-fond, il va y avoir un poids de forme qu'on détermine en fonction du moment à laquelle on fait notre meilleure performance. Et on va partir de ce poids-là pour que chaque année, au moment des compétitions, on doit être le plus performant, on doit avoir. Donc, c'est pas être le plus maigre ou à l'inverse, avoir du poids. C'est vraiment le poids de forme qui nous permet d'établir la meilleure performance. Donc, si on est en sous-poids, on ne sera pas forcément performant. Et à l'inverse, si on a 2-3 kilos en trop, c'est un axe d'amélioration pour favoriser la performance. Excuse-moi, il y a une petite recherche de puissance quand même au niveau musculaire. On ne peut pas être très fine. Ça, du moins en demi-fond et même, à mon sens, pour les longues distances, ça nécessite de la puissance pour résister en fait et ne pas s'écrouler dès que ça devient dur. C'est pour ça qu'on fait notamment de la muscu et donc qu'on doit avoir une alimentation assez, on va dire, riche pour alimenter nos muscles et la puissance dont on a besoin pour courir vite, en fait, tout simplement, et puiser dans nos ressources. Donc, on a plus que 2 pommes par jour. C'est, voilà, si on mange que 2 pommes par jour, on va mourir. D'accord, merci. Aurélie ? Eh bien, nous, on mange un peu plus de pommes, on va manger plus de bananes. Oui, c'est vrai. Mais en effet, l'alimentation reste quand même nécessaire. Alors, certes, ça reste du handball. À partir du moment où on monte en niveau, l'alimentation commence à avoir un poids de plus en plus important aussi. Du coup, on a 3 entraînements par semaine, 1 match le week-end. Donc, il faut quand même aussi avoir une alimentation équilibrée. On ne peut pas se permettre de faire des excès à longueur de temps. Aller manger McDo ou kebab, voilà, il faut quand même avoir des protéines, des légumes, des fruits, suffisamment d'énergie pour, en tout cas, être suffisamment performante sur les entraînements et aussi en match. En tout cas, moi, j'ai eu, sur les années que j'ai fait du handball, là, du coup, en effet, des coachs qui étaient attentifs, du coup, à ça, avec des préparateurs physiques aussi qui pouvaient nous parler de nutrition et d'alimentation et surtout de faire attention. Alors, boire, s'hydrater, extrêmement important au niveau du handball, hein, c'est important. Alors oui, on a une ossature un peu moins fine, mais on a un peu tout gabarit quand même dans une équipe de hand. Oui. Je vais dire, je suis un peu la plus costaud parce que mon rôle de pivot nécessite aussi à être un peu plus stable et costaud dans la puissance, etc. Mais ma coéquipière, du coup, est pas du tout le même gabarit que moi. Elle est un peu plus grande que moi et beaucoup plus fine que moi. D'accord. Voilà. Mais on doit avoir une hygiène de vie correcte. Voilà. Parce que sinon, on ne pourrait pas enchaîner ça. Et plus on vieillit aussi, je parle pour mon cas, plus il est important aussi de faire attention à ce qu'on mange pour pouvoir mieux récupérer au niveau du muscle, lui donner tout ce qu'il a besoin aussi pour davantage être performant derrière. Nous, on est certes sur quelque chose d'assez explosif comme sport. Il nous faut du cardio, il nous faut de l'explosivité. Et du coup, ça se travaille aussi par les entraînements. Et les entraînements, si on n'est pas bien alimenté, on ne va pas avoir la même performance derrière et la même capacité. On doit courir vite aussi. Voilà, il y a pas mal de nécessités. Donc, la part d'alimentation est nécessaire. Alors, même si le handball est connu parce qu'on est, on est un sport collectif. Donc, forcément, dit sport collectif, on a tendance à faire des troisièmes mi-temps assez importantes. Quelques banques et d'Astérix. Voilà, surtout après des victoires où, voilà, on a tendance à aller boire une petite bière entre copines. Mais il faut pas non plus trop exagérer. On voit tout de suite que si, à un moment donné, on a une hygiène de vie qui est pas équilibrée, qui est pas correcte, on a vite des blessures qui arrivent. Ah, blessures, voilà. Carrément blessures. Voilà. Ah oui, on a des c'est blessures. C'est pas juste les résultats, voilà. C'est carrément blessures. Bah, les résultats, forcément, on est dans la performance. Donc, du coup, mais après, là, c'est le rôle du coach qui va prendre la meilleure fille au niveau de l'aile ou du pivot ou de l'arrière. Mais du coup, c'est sûr que bah, si on fait pas bien attention, on peut vite se blesser. Voilà. C'est-à-dire un claquage, une déchirure. D'accord. Une cheville, parce que aussi on a une alimentation qui est pas assez équilibrée aussi. D'accord. Et en termes de puissance, c'est un peu violent. Ça peut être violent le hand. Il y a un de la muscu également. Ouais. Oui. Alors on a justement le lundi, on a un entraînement qui est prépa physique et spécifique, on va dire spé post. Et du coup, on a trois quarts d'heure avec notre préparateur physique qui vient nous donner tout ce qui est renfo, musculation. Pour en effet avoir un certain gainage, avoir une certaine masse aussi musculaire, pour pouvoir répondre aux coups qu'on peut recevoir, mais aussi en donner, quoi. D'accord, donc bah, j'espère qu'on a cassé les préjugés. J'espère aussi. Le banquet d'Astérix, voilà. Mais pas tous les jours. Loin de là même. Sinon, au terme de régime alimentaire, donc Aurélie, toi, tu n'as pas de régime spécifique? Aucun régime. Mange de tout, des choux de Bruxelles, du saucisson, des éclairs au chocolat. Alors plutôt les deux autres, mais que les choux de Bruxelles. Mais oui, je mange de tout. Est-ce que tu es attentive tout de même à ce que tu manges? Oui, je suis attentive à ce que je mange. Alors, je suis aussi malheureusement très gourmande, donc je fais attention quand même dès que je vois un petit peu au niveau de la balance que j'ai passé le seuil de tolérance. Je fais vite attention. Mais je peux manger de tout. Avant l'entraînement, je mange généralement un fruit. Et après l'entraînement, j'essaye de manger aussi plus léger aussi. Voilà. Alors, on dit tout à l'heure, le gros gueuleton. Non, généralement, en tout cas de ma part, et je sais que mes coéquipières, c'est aussi un peu ça aussi, on fait attention après à ce qu'on mange aussi. Alors, après un match, si on est en extérieur, c'est sûr que là, et encore une fois, après victoire, voire même défaite, après tout, si on est à l'extérieur, c'est plutôt casse-croûte, McDo, pizza sur la route, parce qu'on voilà, on n'a pas trop le choix. Mais dans l'ensemble, voilà, on fait quand même attention. D'accord, très bien. Alors, les jeunes, un peu moins que les vieilles, je rajoute. On n'a pas le choix. Au niveau des quantités, est-ce que tu dirais que tu manges plutôt plus hein, ou plutôt moins que les personnes qui t'entourent? Pas spécifique, pas spécialement les personnes de ton équipe. Dans la vie de tous les jours, t'as l'impression de manger plus ou moins? Je pense que je mange un peu plus. Un peu plus que oui, la moyenne. Un peu plus d'apports sont nécessaires. Ouais. Du fait du sport? Du fait du sport et de ma gourmandise. Mais, c'est bien aussi. Mais voilà, je sais que quand je vais avoir mes entraînements, les jours de m'entraînement, je mange plus. Dans mon assiette, j'ai plus. Et j'ai aussi plus de féculents, par exemple, que les jours où j'ai pas entraînement. D'accord. Et est-ce que tu manges bio? Ça m'arrive. D'accord. Voilà, je fais attention. Tu es attentive à ça? Je suis assez attentive à ça. J'ai un mari en plus qui est passionné de jardinage, donc j'ai un grand jardin. Voilà, on cultive beaucoup de choses à la maison, beaucoup de légumes, donc oui, on fait attention à d'accord. ce qu'on consomme. Moins de viande, par exemple, oui. aussi, par rapport à quelques années où je consomme moins de viande aujourd'hui. Mais j'en consomme mieux, moins mais mieux, et je fais un peu plus attention à ce que je consomme en termes de qualité. D'accord, très bien. Alors moins de viande, c'est très bien, ouais. Parce que ça nous amène à Lise, et toi tu as un régime spécifique, c'est-à-dire que tu es végétarienne. Oui, c'est ça. Alors depuis combien de temps? Alors j'ai eu plusieurs phases, il y a une première phase où je suis devenue végétarienne, on va dire 2020, ça a duré on va dire quelques mois, après... Je me renseignais pas trop sur comment remplacer la viande. Donc, je mangeais beaucoup de pâtes, beaucoup de féculents. Hein. Le cliché des coureurs qui mangent des pâtes, c'est vrai. Beaucoup de légumes aussi, mais donc, j'avais pas... Enfin, je savais qu'il fallait que je me complète pour remplacer la viande, mais ça nécessite des efforts au quotidien. Et donc, je m'étais dit, oui, ça peut passer, parce que j'ai quand même un bon métabolisme, je me blesse rarement, et en fait... J'ai fait des prises de... Je commençais à avoir mes performances un petit peu être moins bonnes qu'auparavant. Et j'ai commencé à me dire, je vais peut-être faire une prise de sang. Et je me suis rendu compte qu'en effet, j'étais anémiée, notamment en fer. Hein, chez les femmes, c'est courant. Et donc, j'ai décidé de reprendre la viande. Mais en fait, par conviction, j'y arrivais pas. Donc, je suis redevenue végétarienne. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner. Sachant que moi, vraiment, l'alimentation... J'ai une alimentation très équilibrée, je mange de tout. J'ai pas trop de problèmes avec le fait de ne pas manger McDo ou tout ça. Je suis pas trop attirée par ça, donc j'ai de la chance, j'avoue. Après, j'aime bien me faire plaisir une fois par semaine avec une bonne pizza, etc. Donc, je mangeais de tout, mais je me suis dit, il faut quand même que je me renseigne sur comment remplacer la viande. Et c'est la vitamine B12 qui est très importante. D'accord. Quand on arrête la viande et le poisson, parce que végétarienne, c'est à l'arrêt de la viande et du poisson. Mmh. pas des produits laitiers. Donc ça, les œufs et les produits laitiers, je continue d'en prendre. Donc c'est aussi pour ça que c'est assez simple pour moi d'être végétarienne, parce qu'il y a de la vitamine B12 un petit peu en faible quantité dans le fromage, il y a les protéines par les œufs. Donc, entre guillemets, le régime végétalien, donc c'est quand on est végane, c'est beaucoup plus compliqué de faire du sport quand on est végane. C'est faisable, mais ça nécessite vraiment de prendre des compléments au quotidien, des cachets de, plus, tout, voilà. de tout type, alors que moi, c'est que la vitamine B12 que je prends et du fer. Et du fer. Tout de même. Du fer. Mais toutes mes copines qui font de l'athlétisme à mon niveau en prennent aussi. Donc, c'est pas spécifique, au régime végétarien. Oui, c'est pas forcément spécifique. Et donc, je me suis renseignée sur Internet sur comment remplacer. J'ai augmenté les oléagineux pour remplacer le poisson, notamment. Je continue le beurre aussi, parce qu'il y a des oméga 3. Donc, forcément, ça remplace également le poisson. Le poisson, c'est ce qui est le plus dur à remplacer. Il faut prendre des noix aussi pour remplacer le poisson. Donc, voilà. En fait, je me suis beaucoup renseignée sur comment changer ma façon de manger pour remplacer la viande. Et aujourd'hui, je fais des prises de sang tous les 6 mois pour contrôler. Et tout va bien. D'accord. Donc voilà, je ne rencontre pas de difficultés. Je peux toujours manger au restaurant parce que maintenant, ils proposent des plats végétariens. Oui, souvent. Souvent. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Pareil, est-ce que tu manges bio ? Alors, c'est très intéressant ce que tu disais, Aurélie, parce que j'essaye de manger bio, en effet. Et je sens la différence quand je mange bio et quand je mange pas bio. Je sens que c'est beaucoup plus mieux assimilé. Ah, tu sens une différence carrément. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Je sens que j'assimile beaucoup mieux et que je suis peut-être en meilleure santé, que je digère mieux, que ça m'apporte plus. Et ma mère a des poules chez elle, donc je prends les œufs de chez ma mère et pareil, je sens la différence. C'est incroyable par rapport aux œufs. Déjà quand tu l'ouvres, il est jaune. Hein. Oui, déjà il est jaune, il est pas blanc. Donc, je sens la différence et c'est vraiment important, si on peut se le permettre, de manger bio. Sinon, pour toutes les deux, comment on gère ça au quotidien ? Donc, combien de repas par jour ? C'est des repas fixes ou 3 repas par jour ? Alors, oui, 3 repas par jour et une collation avant l'entraînement. Avant l'entraînement, une collation. Voilà. Pas de grignotage. Pas de grignotage, ça dépend quand, moi. Voilà, le petit carré de chocolat le soir, des fois, ça arrive. Hein, y a besoin même, des fois. Encore une fois, assez gourmande. Mais du coup, oui, 3 repas. Or, pas fixe. Parce que justement, le fait d'avoir 2 à 3 entraînements par semaine, ouais, faut gérer. Et on rentre à 22h le soir, malheureusement, ils sont loin d'être fixes. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est important de manger plutôt léger le soir quand on rentre à 22h, ouais, que de se taper un sanglier, quoi, par exemple. Voilà. Donc, mais oui, il faut 3 repas par jour. Lise, également 3 repas fixes. 3 repas fixes. Après, je mange beaucoup le matin, comme il est recommandé de faire, pour être sûr que la journée, je puisse tenir. Après, à l'inverse d'Aurélie, moi, le soir, j'aime bien manger. Pas forcément du sanglier, parce que du coup, je ne mange pas, mais ça, je peux manger une assiette de pâtes après une grosse séance. Ça m'a creusé l'appétit et j'ai besoin de renflouer les caisses. Donc, je mange pas trop léger le soir. Collation, oui. Après, nous, on a quand même ce truc de... je sais pas pour toi, Aurélie, mais par exemple, je vais pas manger un gros repas... 2 heures avant mon entraînement. Ça va être 3 heures minimum maintenant. Oui, oui, d'accord. Ouais, pour bien digérer. Pour bien digérer et être en forme. Oui, et petit carré de chocolat par jour. Un petit carré de chocolat aussi. Pas de grignotage de mon côté, sauf des graines ou tout ça. D'accord. Et fruits illimités. Mais en effet, si je prends pas de collation avant l'entraînement, j'ai beaucoup plus faim après l'entraînement. Ouais. Donc, et j'aurais tendance du coup à manger plus et pas forcément manger bien. Oui, ça aussi. Parce que quand on rentre à 22h le soir, si c'est pas préparé avant, compliqué de se faire à manger de manière équilibrée. Oui. Oui, c'est vrai. Et avant un match, en effet, par exemple, nous qui jouons assez tard, ça nous arrive de jouer à 20h, 20h30, 21h. Et ben, du coup, je vais manger, il va être 2h d'après-midi. Ah, je vais faire mon plat de pâtes à 14h. Voilà, pour pouvoir. Et j'aurai une collation avant match. Mais voilà, je diffère. On décale. Oui, oui. Ouais, c'est ça. On s'adapte à l'horaire. Alors, merci pour cette première partie. On va faire une petite pause musicale avec Beyoncé. Disrespect us, no they won't. Boy, don't even try to touch this. Boy, run this back. I'm prepping for the girls who're taking over the world. Help me raise a glass for the college grads. 41 roll it to let you know what time it is. Check, you can't hold me. I work my 9 to 5, better cut my check. This goes up to all the women getting it in. You want your prime. To all the men that respect what I do, please accept my shine. Boy, you know you love it. How we smart enough to make these millions, strong enough to bear the children. Then get back to business. De retour dans Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport, où aujourd'hui on parle sport et alimentation avec Lise Timon et Aurélie Pierre. Alors dans cette deuxième partie, on va discuter maintenant de l'impact de l'alimentation sportive dans les relations sociales. Donc mes questions vont s'adresser à toutes les deux indépendamment, pas répondre en même temps, mais... Est-ce que vous avez déjà eu des réflexions sur ce que vous mangez au niveau des quantités ? De proches, de collègues, mamie qui dit tu manges rien, t'en as pas repris 3 fois ou alors ou moi c'est surtout tu manges beaucoup, faut toujours prévoir plus. Ça c'est ma famille. D'accord. Par exemple ma mère quand elle me fait à manger c'est jamais assez. D'accord. Donc j'en refais toujours. Et donc ça oui, du côté de mon environnement qui ne fait pas de sport. Par contre du côté de mon environnement sportif, les filles avec qui je cours souvent, c'est tu manges pas tant que ça. Elle mange encore D'accord. plus que moi. Okay. Donc, ça dépend vraiment du rapport qu'on a. Ouais, tout est relatif. Et du sport. Ouais, c'est ça. Et pour toi, Aurélie ? Eh ben, non, pas de remarques, pas de réflexion par rapport à ça. Plus, je pense qu'en effet, je dépasse pas non plus le seuil autorisé où tout le monde me regarderait de travers. Mais non, j'ai pas de réflexion et généralement, il y a ce qu'il faut, comme il faut. Donc, non, tout va bien. Ni au travail, quand il y a quelqu'un qui ramène les croissants en disant t'en prends pas parce que t'en prends un. Ah non, j'en prends toujours. j'en prends toujours de ce côté-là. Non, franchement, non. Pas de... Ou d'autres réflexions du genre plutôt, de toute façon, tu fais du sport et tu peux manger ce que tu veux, tu peux te le permettre. Ça, je l'ai déjà entendu. Oui, vas-y, tu vas l'éliminer ce soir. Et même moi, je me le dis en fait. C'est-à-dire que oui, de toute façon, je peux manger un croissant, je vais l'éliminer ce soir. Voilà, donc je sais que comme il y a ce côté quantité, mais aussi gourmandise, je l'élimine parce que j'ai ce sport-là. Le jour où j'arrêterai mes entraînements par semaine, en tout cas mes 3 séances par semaine, c'est sûr qu'il va falloir que je fasse attention parce que mon corps là aujourd'hui élimine, mais du coup il éliminera beaucoup moins quand je vais arrêter. Voilà, mais non, je me prive pas en fait, je me prive pas. Les seules fois où je fais quelques essais, je rééquilibre mon alimentation, mais je me mets pas de régime. D'accord. Voilà. Les fois où j'en ai fait, j'ai senti la différence ou une grande fatigue et encore une fois, mes performances n'étaient pas là. D'accord. Alors, une question juste pour Lise. Donc, c'est un petit coucou à Fred. Coucou Fred. Je connais ton entraîneur, Lise. quelle réaction il a eu quand tu lui as dit que tu étais végétarienne ? Alors, dans un premier temps, j'ai fait le choix de devenir végétarienne indépendamment de mon impact sur que ça aurait pu avoir sur mon sport. C'était vraiment par conviction. Donc, j'en ai pas trop parlé au début. Et en fait, au fur et à mesure qu'on mangeait au restaurant, il s'est aperçu que j'étais végétarienne parce qu'il fallait forcément dire au restaurateur de faire en conséquence. Et il a pas émis forcément trop de réserves. Il m'a juste demandé « Et ça va ?» Tu peux parfait. Je lui dis, ouais, ouais, il n'y a pas de souci, t'inquiète, tu contrôles. Je fais des prises de sang et je me complémente et il me fait confiance là-dessus. Donc, il nous laisse être très autonome sur notre rapport à l'alimentation. C'est un contrat de confiance. Après, forcément, faut quand même, enfin, il le voit si ça va pas. C'est sérieuse. Oui, voilà. De ce côté-là. D'accord, très bien. Et avec les amis, au niveau des sorties, est-ce que vous accordez des écarts? Donc, du coup, pour les repas de famille, les anniversaires, Noël? Sans problème. Sans problème. Alors, moi, ça dépend. Comme je l'ai dit, McDo, tout ça, ça m'attire pas trop, mais moi, c'est les pizzas. Et je m'accorde une fois par semaine un repas que je dis un peu en dehors de la ligne de conduite où je me fais plaisir au restaurant. Après, j'ai pas un régime très réglementé. C'est juste, je mange équilibré, varié, je fais attention. Après, c'est vrai, pour revenir sur les croissants, par exemple, je vais pas, par exemple, s'il y en a deux par personne, j'en prendrai qu'un. D'accord. C'est, j'avoue, je contrôle quand même cela parce que je me dis, ok, je l'élimine, mais ça, plus ça, plus ça, si on contrôle pas, on peut s'ouvrir à tout. Mais ça peut passer inaperçu. Si, ça peut passer inaperçu. À part le côté végétarisme qui forcément va se voir. Oui. Mais sinon, au niveau contrôle alimentation, ça peut passer... J'ai quand même des remarques des fois. Ah, oui. Ils me disent... Oui, par exemple, mes amis en dehors de l'athlétisme vont me dire « Ah, Lise, on va choisir un resto en fonction de toi, de tes besoins. » Ah, c'est sympa. Ouais, ouais, par contre, ils sont très gentils. C'est bienveillant, c'est bienveillant. Oui, c'est très bienveillant. Ouais. Ils vont dire « Toi, faut quand même... » Souvent, j'ai... Par contre, il n'y a pas de pâtes dans ce restaurant-là, ça va aller. Je dis « Bah oui, s'il y a une salade ou une pizza, c'est ok. » Oui, c'est des remarques bienveillantes, en fait. Oui, c'est des remarques très bienveillantes. D'accord. Au niveau des vacances, comment ça se passe? Parce qu'il y a une pause dans la saison, évidemment, et pendant laquelle il n'y a pas d'entraînement, on va partir, il y a des barbecues, pas forcément, mais avec des carottes, et il va y avoir plus d'apéros. Est-ce qu'on se lâche un petit peu? Est-ce qu'on on l'a toujours un petit peu en tête? Alors, pour ma part, je vais parler en mon nom, hein, bien sûr. Alors, c'est pas se lâcher, mais en tout cas, on en profite. Hein, voilà. Je me restreins pas, encore une fois. C'est vraiment, en effet, l'été, il y a apéro, il y a barbecue. C'est aussi, socialement fédérateur. On rencontre les copains, les copines, on en profite, etc. Par contre, l'arrivée de la prépa, on commence à refaire attention. On devient sérieux. On sait qu'on fait attention. De toute façon, on nous le dit aussi hein, dans la prépa physique, parce qu'on a un bon mois en off, on va dire. On a quand même pendant ce temps-là quelques exercices à faire, quelques décrachages à faire, et bien sûr le petit passage, la petite phrase. Attention quand même aux apéros et aux barbecues, on l'entend chaque année. Alors donc, l'apéro justement, on dit qu'en France c'est pas facile de ne pas boire d'alcool. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une pression sociale sur le sujet? Oui. Oui. Clairement oui. Oui. Ouais. Oui. Bon, des fois, j'arrive en soirée, je vais dire j'aime l'alcool. Enfin, quand je dis ça, ça fait un peu alcoolique, mais j'aime profiter et boire une bière quand je sors. Mais le lendemain, si je sais que j'ai séance, je vais privilégier un coca. Et des fois, on va me dire « Oh, t'es pas drôle » ou « Oh, t'es sérieuse » ou encore « Bon, ça, c'était plus avant. Maintenant, ils ont compris l'enjeu que ça a. » Et en fait, ils se rendent pas compte de comment on s'entraîne et de l'impact d'une goutte d'alcool. C'est pas juste boire d'alcool. Un coup, quoi. Ouais. C'est le lendemain. C'est même une goutte d'alcool, ça peut... On va le sentir, nous, parce qu'on met tellement notre corps à rude épreuve qu'il va tout ressentir. Mmh. Plus on s'entraîne, je sais pas si c'est pareil pour toi, Aurélie, mais plus on s'entraîne... Moi, je m'entraîne plus maintenant, je sens une bière. Alors qu'avant, je le sentais pas, par exemple. Et des fois, ça m'est arrivé, par exemple, de sortir sans boire, parce que je peux sortir sans boire. Mais il y a des personnes qui vont me dire « Oh là là, t'es trop sérieuse ». Et je vais dire « Au final, je suis pas sérieuse, je sors comme toi, c'est juste que je ne bois pas d'alcool ». Donc oui, il y a quand même cette pression-là. Maintenant, moi, je passe outre et je profite quand même. Question d'habitude. Mais c'est vrai. Aurélie, non? Oui, c'est vrai qu'il y a une petite pression. Et puis en plus, dans le sport co, il y a la cohésion, la cohésion, ça prend de la place. On parle beaucoup de troisième mi-temps, encore une fois. Et le troisième mi-temps, il y a des bières. Et puis après, on part au resto. Et puis après, on va boire un verre en bar. Et puis après, on sort. Voilà, donc c'est sûr qu'il y a souvent ce genre de choses-là. Ouais. Donc quand c'est à l'après-match, on a toute la semaine pour s'en remettre, on va dire. Et quand c'est la veille d'un match, généralement, ça pique. Et puis, c'est là où, en effet, les personnes ne sont pas au rendez-vous et que les risques de blessures sont encore plus au rendez-vous. Oui, il y a les blessures également. Voilà. Il y a les blessures avec l'alcool. Et c'est pour ça que je trouve que l'alcool a même plus d'importance et plus d'impact sur notre pratique sportive que l'alimentation. Oui. D'accord. Parce que j'ai un peu d'expérience maintenant. Et c'est vrai que quand on est plus jeune, on a plus tendance à vite récupérer. Oui. Et à assimiler aussi l'alcool, pour le coup, et à performer, pourquoi pas, le lendemain. Voilà. Oui, mais il y a des moments où on ne performe pas, parce que du coup, on est à côté de sa plaque et qu'on n'aurait pas dû sortir la veille. Voilà. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, en tout cas, moi, pour ma part, je n'ai jamais été trop consommatrice d'alcool. Alors, j'aime bien faire la fête et je n'ai pas besoin de boire forcément pour faire un peu la fofolle. Mais c'est vrai que pour voir certaines coéquipières à moi, et je pense plutôt aux anciennes, qui adorent en effet ces troisièmes mi-temps, ça moment peut de cohésion payer cher le lendemain. Au niveau comportement déviant, donc Aurélie particulièrement, en tant que capitaine, est-ce que tu as déjà été confrontée à ces comportements déviants, anorexie, boulimie? Est-ce qu'on est attentif quand on est capitaine à des comportements qui où on se dit « Ouh là là, ça commence à... ça va pas dans le bon sens ». Alors, anorexie, boulimie, j'ai pas été trop confrontée à ça. Alors, j'ai été confrontée une seule fois à une coéquipière, en effet, qui a des problèmes de santé importants. Mais qui est suivi médicalement et qui est bien entouré. Et donc, du coup, on est à ce moment-là plutôt dans le soutien. D'accord. Que dans... Ah bon, on va pas être dans le jugement, mais plutôt dans le signalement, entre guillemets. C'était déjà connu. Voilà, donc du coup, on n'a pas eu besoin de signaler. D'accord. Mais du coup, voilà, on se positionne plutôt dans quelque chose de soutenant et de bienveillant. D'accord. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il y a assez... que les coachs et les entraîneurs sont assez sensibilisés sur le sujet justement de ces déviances qui peuvent arriver vite et qu'on ne va pas forcément voir? Que vous, en tant que coéquipière, vous allez voir en sortie, en troisième mi-temps, etc. Et est-ce que l'entraîneur, il est attentif? Est-ce qu'il pose des questions sur ça? Non, pas spécialement. Si on lui a pas donné l'information, il partage pas tous les temps de repas avec la joueuse. Donc forcément, c'est pas forcément flagrant. Ça peut l'être parce que voilà, après un match, on va s'arrêter manger quelque part et que la joueuse, elle va pas vouloir manger. Mais ou elle va juste manger une pomme pour dire que. Mais du coup, s'il y a pas ça, c'est compliqué de s'en rendre compte. D'accord. Enfin. Et les athlètes, en tant qu'athlètes, est-ce que vous trouvez que vous êtes assez sensibilisés? Est-ce qu'il y a des conseils diététiques? Oui. En athlète, oui, quand même, parce que la course à pied, on pense le cliché de plus on est maigre, plus on va vite. Alors, comme je l'ai expliqué dans un premier temps, non, il faut quand même avoir de l'énergie. Et quand on est anorexique ou boulimique, on n'a pas d'énergie pour courir. Mais est-ce que tu as vraiment des sensibilisations? C'est-à-dire qu'on est vite oui, voir si, en quand disant même. Il faut manger ça, il ne faut pas manger ça, il faut faire attention à ça ou pas? Alors, il y en a beaucoup déjà qui peuvent être pris en charge par des diététiciens, diététiciennes, nutritionnistes, mais ça va être une démarche personnelle. On ne va pas forcément être influencé. Il y a des coachs qui prennent en considération cela. Oui. Ça va vraiment dépendre de la personnalité du coach pour répondre à l'ancienne question. Et individuellement, les médias quand même en parlent, du moins en athlétisme. Il y avait un numéro de la FFA qui avait parlé de l'anorexie dans l'athlétisme parce que c'est quand même assez courant chez les coureuses de long. Oui. Et comme quoi, il fallait faire attention à tout ça et que c'est pas parce qu'on est anorexique qu'on est maigre. Plutôt qu'on va aller forcément plus vite. Et alors, sans parler de comportement déviant et d'aller jusque-là, on voit souvent sur les fins de cross des cadettes qui passent la ligne et qui tombent, qui s'effondrent parce qu'ils ont mal géré soit le petit déjeuner du matin, soit l'horaire de course est décalé, ils n'ont pas l'habitude. Et en fait, on pense pas leur dire ou alors, ils n'écoutent pas? Alors, je sais que personnellement, mon coach Fred, il nous dit quand même quoi manger, comment manger, combien de temps avant et qu'il faut suffisamment d'énergie. Après, maintenant, on est grande, nous. Je pense que ça dépend vraiment de la formation du coach. Parce que tous les coachs ne sont pas forcément sensibilisés à cela. Donc, je pense qu'il faudrait mettre en place peut-être plus d'actions dans les clubs. Oui. Faire appel à des associations sensibles à ce sujet pour informer même aussi les hommes, en vrai. Parce que les hommes font aussi attention à leur alimentation. Donc, je pense que ça s'adresse aux deux publics. Ouais. C'est pas typiquement féminin. Non, c'est pas typiquement féminin. Encore plus dans le sport. Alors, juste avant de conclure, j'ai une petite question subsidiaire. Qu'est-ce que vous pensez chacun du régime alimentaire de l'autre? C'est juste, Aurélie, est-ce que toi, tu serais prête à renoncer à certains aliments, par exemple? Oui. Oui, ça dépend lesquels. On s'entend bien sur les pizzas, déjà. Ça, ça me va. Voilà. Donc, c'est sûr que voilà, j'ai bien compris qu'elle a une alimentation plus stricte que moi, hein, c'est sûr. Mais en effet... on fait pas le même sport, toi c'est beaucoup de fond et ça nécessite quand même beaucoup une richesse au niveau du corps. Mais après faire davantage attention, oui, avec en effet un accompagnement, je dis pas. D'accord, voilà. Tu serais prête à faire l'effort. Oui, oui, oui. Et de ton côté, Lise, est-ce que des fois t'as des petites envies qui reviennent? Alors, poulet, bière rôti. Alors ça, non. Non, pas de viande. Je suis pas une viandarde. Non. Donc ça, c'est, ça me va. Du coup, c'est facile pour moi d'être végétarienne. Par contre, je rebondis sur un truc que Aurélie a dit tout à l'heure, comme quoi elle se lâche pendant la période où elle fait pas de sport. Moi, j'avoue que je me lâche. Mais plus sur l'alcool, mais j'ai quand même toujours ma routine alimentaire. Ça reste je vais peut-être oui, ça me reste dans un coin de ma tête en me disant si je continue d'avoir mon alimentation comme je l'ai toujours au long de l'année, ça sera moins dur pour moi de reprendre. D'accord. Voilà. Alors merci Aurélie, merci Lise, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Merci à toi. Donc merci pour les témoignages et à la prochaine pour un nouvel épisode de Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport.